Merci Cyril pour ce propos déterminé pour le coup. L'autodétermination, c'est aussi un environnement en effet constructif et facilitateur. C'est toute l'intention de cette journée. Alors effectivement, on ne va pas revenir sur le déroulé de la journée. Vous allez suivre les temps forts et vous l'avez effectivement à votre connaissance par les documents que vous pouvez posséder. On va tout de suite poursuivre et entamer finalement cette journée avec Jean-François Chaussy qui était présent lors de la première édition de Moments Clés et qui, ça a été rappelé déjà ce matin, est à l'initiative, est l'auteur de cette loi sur le handicap du 11 février 2005, donc il y a tout juste quelques jours, 20 ans. Une loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Il a été le président du groupe d'études parlementaires intégration des personnes fragilisées et handicapées à l'Assemblée nationale et le pôle ressources accueil loisirs handicap 42 a néanmoins pu le rencontrer et on vous propose de le retrouver via cette petite capsule vidéo à suivre. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième édition des Moments Clés. Donc, nous allons commencer cette deuxième journée en accueillant M. Jean-François Chaussy, du coup ancien député et auteur de la loi de 2005 pour l'accueil des enfants en situation de handicap et la place du handicap dans la société. Monsieur Chaussy, 20 ans après la loi de 2005, quelle évolution attendre aujourd'hui ? Alors la loi de 2005, elle a un intérêt par rapport à la loi de 1975, c'est que la loi de 1975 se préoccupait de l'accueil des personnes handicapées, s'occupait donc des structures et des financements, et que la loi de 2005 s'occupe de la personne elle-même. C'est une façon de dire que la personne handicapée fait partie de notre société, fait partie de notre collectivité, et qu'il est temps, en 2005, de se préoccuper de son avenir, de son devenir, de ses capacités, de ses potentialités. C'est une loi qui tourne autour de la personne, alors que la loi de 1975 tourne autour des structures d'accueil et que l'une et l'autre des lois s'occupent aussi de l'accessibilité des personnes handicapées à tous les problèmes quotidiens. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette loi, globalement. Mais il y a certainement beaucoup d'autres choses à creuser. Merci, Monsieur Chaussy. Alors, cette année, la thématique qui nous anime et qui nous réunit, c'est la question du lien aux familles, qui sont concernées par le handicap de leur enfant. Alors, on va évoquer tout au long de la journée la question de la posture des professionnels, du lien de confiance, de la communication, des besoins de répit, voilà, tout ce qui peut concerner un peu les familles et les parents qui sont concernés. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ça ? D'abord, je vais vous faire part de mes regrets de ne pas pouvoir être présent physiquement avec vous. J'ai apprécié la première démonstration que vous avez pu faire de ces moments clés. J'y étais, donc j'ai vécu avec une intensité forte ce qui s'est passé à cette première représentation. Et j'aurais bien voulu être là aujourd'hui, mais ce n'est pas possible pour tout un tas de raisons. Et notamment, une raison essentielle, c'est que ce 25 mars, je vais souffler les bougies de 20e anniversaire de la loi ailleurs qu'ici, ce que je regrette parce que j'aurais bien aimé être là, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la présence des familles dans ce texte de loi? Moi, j'aurais tendance à dire qu'au-delà du texte même de la loi, si les familles n'étaient pas présentes dans la vie de la personne handicapée, rien ne serait possible. L'égalité des droits et des chances, telle que le veut la loi, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ça serait pas possible si ces personnes-là n'étaient pas accompagnées. Et par qui voulez-vous qu'elles soient mieux accompagnées que par les aidants naturels que sont les parents? Ceux qui connaissent le mieux et le plus la problématique des personnes handicapées sont les parents eux-mêmes, qui savent, qui sont les premiers experts de la problématique de leurs jeunes enfants, et puis de l'adolescent, et même de l'adulte après. S'il n'y avait pas cet environnement familial, il n'y aurait pas d'accompagnement possible, d'accompagnement efficace et utile possible. Tout ne peut pas être réglé par de l'administratif, tout ne peut pas être réglé par des structures, quelles qu'elles soient, si les parents ne sont pas présents dans cette démarche-là. Et ça n'est pas inscrit dans la loi. Mais c'est la philosophie même de cette loi qui veut quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. Qui mieux que les personnes aidantes, accompagnantes, familiales, peuvent apporter l'égalité des droits, l'égalité des chances ? On s'entend bien, on parle de l'égalité des chances quand on parle de personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on va les chercher loin. Pour qu'il y ait l'égalité des droits et des chances. La participation, ben c'est justement la démonstration que si les familles ne participaient pas à l'accompagnement, avec tous les sacrifices que ça comporte, avec tous les efforts qui sont nécessaires, avec tout ce qu'il faut comme temps, comme patience, comme courage même pour l'accompagnement, ben rien ne serait possible. Alors cette loi, ce que je dis n'est pas dans le texte même de la loi, mais c'est dans la philosophie de la loi. C'est ce qu'on a voulu à travers cette loi, c'est, encore une fois, faire en sorte que la personne handicapée, que pour la personne handicapée, on n'ait pas de compassion, comme ça a été pendant des années et des années, des décennies le cas, mais de la considération. Et considérer la personne pour ce qu'elle est, eh bien, on ne peut pas le faire à travers autre chose que l'image de ses accompagnants, de ceux qui sont à côté et qui vivent de façon pesante, mais de façon présente, le problème ou la problématique du handicap. Marielle nous parlait tout à l'heure de la thématique sur les familles et sur l'autodétermination. Que vous évoque ce concept d'autodétermination ? Alors l'autodétermination, ça, finalement oui, c'est la philosophie de la loi. Parce que l'autodétermination, c'est la capacité qu'on peut avoir de se prendre en compte soi-même, de se prendre en charge. Ce n'est pas le terme qui me convient, la prise en charge, mais de se prendre en compte soi-même. C'est de faire en sorte... par l'autodétermination, d'exister dans une collectivité, dans une communauté. D'être considéré. D'être considéré, c'est la considération, c'est pas la compassion, comme je le disais tout à l'heure. La participation, c'est le titre de la loi, c'est ce qui fait que la personne handicapée a toute sa place dans cette communauté de vie, dans cette collectivité, et que si elle trouve pas sa place, les accompagnants, les associations peuvent aider cette personne en difficulté à trouver son espace vital dans cette société-là. C'est ça l'autodétermination, c'est vouloir, et comme on peut pas, c'est être aidé pour pouvoir. Voilà. Et être aidé comment ? Être aidé pourquoi ? Être aidé par les aidants familiaux, mais être aidé par les associations, comme vous en animez une. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir cette capacité que vous avez, vous, d'accompagner les personnes en difficulté vers une autonomie, vers une façon de vivre avec les autres. L'autodétermination, c'est... Comment je peux décrire ça ? C'est vivre avec les autres en étant différent des autres. Et cette différence-là, elle ne peut pas s'effacer. Mais le fait, et la personne handicapée ne réclame pas d'être comme les autres. Elle réclame d'être avec les autres. Et comme elle ne peut pas y arriver seule, dans cette autodétermination, il faut l'aider et l'accompagner. Et ça, c'est fait par, encore une fois, je le répète, et quitte à le redire autant de fois qu'il le faudra, c'est fait par les associations, c'est fait par les parents surtout, c'est fait par les aidants, qui deviennent des professionnels. Et c'est là aussi qu'il faut un petit peu voir comment on peut sortir de ce carcan-là. La personne aidante, c'est une personne qui vit au quotidien sans avoir la reconnaissance... qu'il lui faudrait pour pouvoir vivre elle-même décemment. C'est-à-dire que la personne aidante s'oublie pour que la personne aidée puisse exister. Et la personne aidante, du coup, elle n'existe plus. Il faut donc trouver un statut pour que la personne aidante trouve sa place, elle aussi, dans la société. C'est un double challenge. C'est le challenge qui consiste à dire qu'il faut que la personne handicapée trouve sa place, sa citoyenneté, puisque c'est le titre de la loi, mais il faut aussi que ceux qui accompagnent puissent trouver leur espace de vie je ne vais pas aller jusqu'à dire rémunérer, ce n'est pas le mot. Mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, la considération aussi, il faut en avoir pour ceux qui aident et pour ceux qui accompagnent. Je me permets une autre question, M. Chaussy. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vraiment vu une évolution, une évolution, de la place de la personne en situation de handicap au sein de la société? Alors, pour qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait d'abord une évaluation. Et moi, je pense, modestement, parce que rien n'est encore gagné vraiment, qu'il y a eu une évolution des choses. On est parti, je le redis, de l'espace où on s'intéressait à l'accueil de la personne handicapée dans un établissement et au financement de ces établissements, pour en arriver, avec la loi de 2005, à la considération qu'on doit apporter à la personne handicapée elle-même. Par le jeu de la prestation de compensation, par le jeu de la scolarisation, enfin le jeu, c'est pas un jeu, c'est un espace de vie, de la considération dans la scolarisation de l'enfant, dans l'accessibilité à tout, pour chacun de ceux qui sont en difficulté. On n'a pas gagné tout. C'est pas la loi, c'est pas une baguette magique. C'est pas parce qu'on a fait une loi, c'est pas parce qu'on a écrit des mots les uns après les autres, c'est pas parce qu'on a fait des articles que tout d'un coup tout va devenir simple. La meilleure preuve, c'est que 20 ans après, on se retrouve ici pour dire oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben il s'est passé qu'on a ouvert l'esprit de certains et de beaucoup d'autres qui maintenant considèrent le handicap comme quelque chose qui fait partie du quotidien de la vie. Alors qu'avant, c'était presque une anomalie de vie. Aujourd'hui, on se dit que finalement, il n'y a pas de vie minuscule, que chacun a le droit d'exister dans cet espace de vie, de citoyenneté, de quotidien de la vie. Ça va loin, ça va très loin, parce que ça s'adresse à tout ce qui concerne la vie des uns et des autres. C'est l'accessibilité au lieu. Ok, c'est l'accessibilité à la culture, c'est l'accessibilité au sport, c'est l'accessibilité à la vie affective et sexuelle, c'est la possibilité à la personne handicapée de vivre pleinement, aussi pleinement qu'elle le peut, dans une collectivité qui est une collectivité inclusive. Et je veux bien faire la différence entre la société inclusive, c'est-à-dire celle qui accompagne, celle qui accepte et qui accompagne, plutôt que l'inclusion qui est une ghettoisation finalement de la personne handicapée. Quand au lieu de faire la scolarisation d'un enfant, on fait son inclusion dans l'école, eh ben on le ghettoise encore plus, on le désigne du doigt en disant celui-ci, il est handicapé, on va faire son inclusion. Non, il faut faire sa scolarisation avec un accompagnement adapté, mais il faut qu'ils vivent avec les autres, au milieu des autres, avec les mêmes mots qui accompagnent les autres. Pas de façon particulière, pas de façon significative comme on le veut, pas de façon, comment je peux dire ça, je ne sais même pas comment le dire, mais inventer des mots qui soient des mots finalement qui ghettoïsent, je l'ai déjà dit et je le redis, ça me blesse un peu. Parce qu'on veut que la personne handicapée, que le jeune handicapé soit reconnu dans sa plénitude, et on est en train de le défoncer en disant celui-ci, pour celui-ci, on va faire l'inclusion, pour celui-ci, on va faire ceci, cela. Non, celui-ci, celui-là, ou celle-là, il faut qu'elle vive dans notre communauté, il faut qu'elle vive dans notre collectivité, avec autant de chances, puisque c'est le titre de la loi, autant de capacité de participer à la loi, à la vie, pardon, quotidienne, et ça, eh ben pour ça, il faut que les esprits s'ouvrent. Petit à petit, et je réponds à votre question, c'est ce qu'a voulu la loi, ouvrir les esprits à cette différence. Faire en sorte qu'on admette d'abord, qu'on reconnaisse peut-être avant, qu'on admette ensuite, et qu'on accompagne cette différence. Ça, c'est l'esprit de la loi. C'est en tout cas ce que je ressens profondément, et c'est ce que je continue à dire en permanence. La personne handicapée, elle a sa place. Il n'y a pas de vie minuscule, encore une fois, je le redis. Il n'y a pas de citoyen inutile. Le handicap, c'est un événement ordinaire de la vie. Ça aussi, je le dis partout où je peux le dire, parce que c'est comme ça que je le vis. Et on a quand même fait, et c'est ça qui n'est pas normal, on a été obligé de faire une loi pour démontrer tout ça, alors que ça devrait être dans la nature des choses. La nature humaine devrait être accueillante, la nature humaine devrait être ouverte à la différence, la nature humaine devrait être généreuse. Généreux, c'est même pas le mot qui convient. Solidaire. Vous voyez la différence? Je vais aller jusqu'à dire, pour se donner bonne conscience, à une certaine époque historique, on parlait de charité. la plupart du temps, elle était chrétienne, je ne sais pas pourquoi, mais on parlait de charité. Et puis, on a parlé de générosité. Eh bien, c'est fini, ça. On doit parler de solidarité. C'est le terme qui s'adapte le plus à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'on soit solidaire avec l'autre. Solidaire, ça veut dire qu'on doit lui tendre la main, ça veut dire qu'on doit le reconnaître dans ses difficultés, que ce soit un handicap tel qu'on le connaît, physique, mental, tout ce qu'on veut. On doit être solidaire. C'est la solidarité qui doit permettre l'accompagnement de la personne handicapée, solidaire dans l'emploi, solidaire dans tous les actes de la vie. C'est une porte ouverte vers un avenir meilleur pour les personnes handicapées. Voilà comment je ressens encore aujourd'hui la puissance de cette loi, au-delà des mots, au-delà des textes, au-delà des articles. L'article de loi ne devrait pas exister, on ne devrait plus aujourd'hui faire de textes spécifiques pour défendre les intérêts des uns ou des autres. Les textes communs devraient s'appliquer à tout le monde, y compris, bien entendu, aux personnes en difficulté et aux personnes handicapées. Merci beaucoup, Monsieur Chaussy. On est vraiment ravis d'avoir pu discuter avec vous. Et encore très déçus de ne pas vous avoir le 25, mais vous viendrez à la prochaine édition. Probablement oui. Mais voilà, non, je suis vraiment navré. Merci à l'équipe du pôle ressources pour cette rencontre auprès de Jean-François Chaussy. Important en effet que de revenir sur cette évolution, évaluation, alors forcément très rapide, en 15 minutes, pour 20 ans de loi existante aujourd'hui, et qui, malgré la non-nécessité, comme le disait Jean-François Chaussy, d'une telle loi, malgré tout, heureusement qu'une loi rappelle aussi le droit des personnes en situation de handicap, des principes forts réaffirmés au sein de cette loi, au-delà, bien entendu, de définition et autres points, et tant de chemin encore à parcourir.